CKRL, c'est pratico-économique. Wow! La croche-oreille est enfin de retour. Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'ess. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire avec le rock progressif. Et c'est Bruno Côté à la mise en onde ce soir et au choix musical, ainsi que moi-même Marc Chaunet à l'animation, pour vous présenter 2 heures de bonne musique rock par cette belle soirée d'hiver en ce 25 janvier 2014. Et on va vous parler tout d'abord de la convention Terra Incognita qui s'en vient bientôt au Centre d'art La Chapelle. Vous savez que depuis 10 ans, on a une émission de radio. Il y a un magazine Terra Incognita et Michel organise également une convention, donc un festival de rock progressif. Et donc, on a donc le groupe IZ le vendredi soir, le 16 mai. Ensuite, le samedi, on aura Glasshammer qui viendront nous présenter... En fait, c'est leur premier spectacle au Canada en carrière, Glasshammer. Et également, il y aura Shadow Circus qui sera là. Il y aura un autre groupe annoncé bientôt. Et le 18 mai, il y aura Fabio Zuffanti qui vient nous jouer La Maschera di Cera Ost Sonaten Finistere. Donc, 20 ans de musique avec Fabio Zuffanti. Ça également, première visite au Canada. Et à ne pas manquer, Fabio Zuffanti, là, c'est comme le... Dans le rock progressif italien, là, c'est Monsieur Prog. Et il y aura également Sonus Umbra qui sera là et un autre groupe à annoncer bientôt. Et ça, c'est donc le dimanche, puis le samedi, le lundi, le lendemain, on est en congé, fait qu'on peut en profiter ces 3 belles journées de rock progressif. Et on aura donc, pour débuter l'émission, La Maschera di Cera, tirée de leur album Lux AD. Ça, c'est vraiment un superbe album. La pièce Encyclica est l'année 1168 que je ne prononce pas en italien pour le moment. Alors, on y va tout de suite en musique avec ça, puis on vous revient après. We'll be right back. dipinge, diciamo la valle. Rocce incatenate al suolo risuonano armoniche note, divergono in due vie, rampicanti chiedera tra i mattoni secolari. Antica arena di anime mai dome, nel gioco infinito di amore e morte, incuranti della mano divina, trascinano l'ebbrezza creando fitte barriere. Tra ciò che nominano terreno e il rapido movimento del pensiero. cielo e sfinì la sua ombra dal riposo. gocce cadono solo dai rami bagnati. Dissetata la terra, veste a festa negli specchi del sole. We'll be right back.

Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. CKRL HD. Une radio haute décibels. Alors, de retour avec Bruno et Marc, et à la première demi-heure de l'émission, c'est terminé. En fait, c'est a été constitué d'une seule pièce du groupe La Maschera di Cera, dans lequel, évidemment, c'est fondé par Fabio Zuffanti, qui nous rendra visite, donc, dans le cadre de la 10e convention Terra Incognita, le 18 mai prochain, au Centre d'art, La Chapelle. Les billets sont en vente, et la veille, il y a Glasshammer, dont on entendra une pièce un peu plus tard dans l'émission, et le vendredi, le groupe Is. Donc, procurez-vous des billets, ça va être excellent, encore une fois, c'est toujours bon. Même si vous connaissez pas nécessairement les disques de Fabio Zuffanti, je suis convaincu que vous allez sortir de là en disant « wow, c'était bon ». Alors, pour le deuxième bloc, on va débuter avec l'artiste Fido Xavier, qu'on a pu voir à la convention en 2013, la 9e convention, et c'était vraiment excellent. C'était également sa première visite au Canada. C'est souvent ce qui arrive avec les groupes que Michel fait venir à la convention. C'est des primeurs. Alors, il faut pas les manquer parce que c'est une occasion qui n'arrive qu'une fois. Passez pas à côté. Donc, on ira avec une pièce de Fido. C'est un album promotionnel qu'il avait apporté avec lui lors de la convention, et il y a sur ça une pièce enregistrée en spectacle au Festival Crescendo en France. C'est la pièce Chupacabra. C'est donc une longue pièce excellente. Question au spectacle aussi, je vais vous parler un peu des autres spectacles qui s'en viennent bientôt. The Watch, le groupe italien, qui viennent nous faire pour deux soirs, les 3 et 4 avril, au Centre d'art La Chapelle, l'album Seconds Out en intégrale. C'est leur spectacle qu'ils ont traîné un peu partout en Europe en 2013. Donc, et le 5 avril, The Watch plays The Watch avec des pièces de leur nouvel album Tracks from the Alps, qui sera disponible vers le 15 février. Ça aussi, j'ai bien hâte d'entendre le reste de l'album. Il y avait déjà les deux pièces qu'on a entendues, sont excellentes. Il y a également Transatlantic dans deux semaines, donc le 5 février, qui seront au Capitole de Québec. Il y a également le groupe Dream Theater le 22 mars au Pavillon de la Jeunesse. Il y a également Yes le 31 mars au Théâtre Capitole. Ça en fait des spectacles dans le progressif, ça n'arrête pas. Hein? Donc, mais si vous avez un choix, moi, je vous conseille la convention Terra Incognita et The Watch aussi, c'est à ne pas manquer si vous les avez jamais vus. Alors, on y va donc avec Fido et Chupacabra. Oui. Qu'est-ce que je vous dis là? Oui. Voilà. Alors, voilà cette pièce que je vous envoie tout de suite. Donc, Fido. We'd like to play you a song about a beast that lives deep in the jungles of Puerto Rico. Our loving tribute to the Chupacabra. We'll be right back. to what's for dinner tonight. If everything works out all right, I'll be feasting. So let's see what's for dinner tonight. Your heart and feel your fear flowing. Behold, soon will all be clear. My eyes shining, hypnotizing. again, up from the air of my succulent lair. I will rise anew into the wind, I will move my wings. I will feed again, drain to the depths with my clean teeth and breath. I am beauty. I am beauty. There's no looking back. I go circling, spying from high. I watch my prize. I will wipe the sleep from red glowing eyes and prepare to arrive. This is beauty. Beauty. This is beauty. I couldn't ask for anything more. I couldn't ask for anything. myself from waiting in stealth. I will rise again, meet you alive on the other side. I am freedom. I am freedom. You couldn't ask for anything. I will free them. You couldn't ask for anything. I will free them. You couldn't ask for anything.

Hello, this is Steve Babb of Glasshammer, and you are listening to Terra Incognita, the progressive radio show of Quebec City. It's the same old movie on my TV that's showing again. Mommy's insane, her baby's dead, but the cradle still rocks its head. It's the funniest thing, it's something to see over and over again on my TV. The man in the white collar's on the screen, acting for his big dollar. Channel 3 is all I need, preacher says he'll set me free on my TV. On my TV. I found salvation on the station. There's salvation sold on that station. As the cameras roll, the satellite feeds my brain, and I hide in that ghostly light. It's my oh so lonely life. In a soap opera today, come tomorrow, there'll be a different character to play. I'm losing grip in the rat race, and a cop chase, I'm the thief committing crime. Well, it's on the prime time on the news line, just like Channel 3, billionaire ministry. Mass producing faith like a factory, won't you set me free? From my TV.

mighty sons of the spheres beyond. Distributed the elements of earth, they laid down the foundation stone of highest spiritual birth, which have existed for thousands of years, but is lost now in future and past, light years away from our daily tears. Those unperceived moments which always last. Poseidon became Lord of earthquake and seas, master of oceans and all their wealth, god of an island, there lived a family with a daughter of beauty and talents. Atlantis was the island's name, greatest treasury of all times. Human eyes did never see the same. Silver and gold, fertile hills, woodlands and plains. It was situated in front of the strait. They call the Kalos of Heracles. Cleito was the daughter's name, a princely virgin of clearness and love. So Poseidon fell in love with her and built a shrine on the mountains above, surrounded by a golden wall. And inside he placed his holy law. sky. My feet are on the ground, but my head is all around. The words of mine, I'll talk with you one more time. The pain is getting too strong. Now is your chance, right this wrong. You need no wings to fly, just close your eyes, say goodbye. The sounds of mine, I love it, just don't make me die. I see my body down, black close my eyes, wake me up. I see people die, black close my eyes, wake me up. This is the path you'll take, don't you dare in a wake. Thank you.